Que ton adoration ce soir puisse toucher les points sensibles. Que ton adoration ce soir puisse le bouger du lieu où il est. Adore le Seigneur ce soir. Adore-le pour ses hauts faits. Adore-le pour tout ce qu'il a fait de spécial dans la vie. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. C'est toi. d'abord continuer à prier. Continuer à prier. Continuer à élever le nom du Seigneur. Nous avons un Dieu merveilleux. Et c'est une semaine de prière. Nous avons nos regards fixés sur le Seigneur. Élève ta voix, n'attends pas la musique. Parce que nous sommes en prière. Oh, il est merveilleux. Oh, Jésus, merci. Emmanuel, elle est ici présent avec moi. Emmanuel, là. Seigneur, merci. Oh. Nous te bénissons ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Brisez toute main noire et contraire sur nos vies. Kuvunja kono yote mubaya na inakuwa kinyume mu maisha yetu. Voilà ce sur quoi nous parlons toute la semaine. Et nous avons introduit hier en parlant des hôtels qui sont bâtis dans nos maisons. Et nous avons terminé en disant qu'une maison est faite de la terre. C'est pareil aussi à la vie de l'homme. Autant qu'il y a eu des hôtels qui ont été bâtis dans la maison où tu es, autant qu'il y a des hôtels qui sont bâtis dans ta vie parce que tu as une maison. Et nous avons dit, quand on parle des hôtels, c'est trois choses. C'est le lieu. Le sacrifice, il est matoléo et des paroles. Na misemo inasemewa pale. Gardons toujours ça à l'esprit. Il est maneno tu ichunge ndani yetu. Chaque fois que nous parlerons des hôtels. Kera mara twasungumzia kuhusu mazabao. Et nous avons dit que cette semaine nous faisons des vœux. Tulasema ijuma tutafanya viapo. Des vœux à l'Éternel. Viapo mbele ya Bwana. Ce ne sont pas des offrandes ordinaires. C'est de vœux. Le vœu signifie une offrande avec jurons et une attente à l'Éternel. Et Et quand tu as fait le vœu, Dieu fera sa part, toi si tu fais ta part. Rappelez-vous de Jephté. On n'a pas le temps d'en parler. Il a fait un vœu et il a donné sa fille. Et chaque fois que les gens devaient remporter de grandes victoires, ils passaient par des vœux. Et aujourd'hui, pendant que je priais au bureau le matin, Seigneur m'a dit que tous les vœux, je vais les garder au bureau, je commencerai à prier chaque matin sur ça jusqu'au dimanche. J'ai déjà parlé aux gens de protocole et de la trésorerie. Et si vous pouvez écrire votre nom, ça ne dérange pas. Quand je prierai nommément. Le Seigneur me donne beaucoup d'exercices cette semaine, mais nous devons le faire. Ce soir, nous prenons le deuxième domaine sur lequel souvent le diable met sa main pour détruire nos vies, arracher nos bénédictions et nous détourner de notre destinée. Domaine 2, sehemu ya pili, la renommée ou la réputation. Inakuya ni mambo kuhusu kavumu. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Na watu wengi leo wanateseka kabisa. Malgré ou contre gré, ingawa kutaka kwao hawapana. À cause de la réputation. Kuhajili tu ya kavumu. Et nous allons le voir. Na tutaweza kuona tena. Quand nous lisons la parole de Dieu, tunaposoma sauti ya Mungu. En une seconde. Kwa dakika tu mmoja. Quelqu'un peut passer d'une très mauvaise réputation. Muntu kavumu yake zikuwa mubaya kabisa. À une bonne réputation. Hata kupitia kukavumu mzuri kwa dakika moja. Et recevoir la grandeur de Dieu. Kisha kupokea ukubwa wa kutoka kwa Mungu. Mais c'est un domaine capital. Na kwa ni sehemu kubwa kabisa. Aujourd'hui. Léo, léo. Tu dois briser la main du diable sur ta réputation, sur ta renommée, dans ta famille, dans ta vie, la réputation de ta famille. Il y a des familles aujourd'hui qui n'ont rien fait. Mais qui souffre à cause de mauvaise réputation du quartier, du village. Il y a même des choses graves. Ézéchiel 18 nous dit, Ézéchiel 10 les pères ont mangé des fruits verts. Mais les dents des enfants sont agacées. Est-ce que vous vous réalisez un peu ce qui se passe? Mon père, Wangu baba, il a mangé des fruits verts. Mais ce sont mes dents qui souffrent. Sasa ni meno yangu inaribika. Non, bien-aimé. Apana mpendwa. Mon père a fait des erreurs qu'il a faites. Baba alifanya makosa yake mwenyewe. Mais ce retombe sur moi. Sasa inyangukia mimi leo. La Bible nous dit dans Ézéchiel 18. Na Biblia inasema katika Ézéchiel 18. À partir du verset 5. Toka mzari wa 5. Il n'y aura pas lieu de dire ce proverbe en Israël. L'âme du père est à moi et l'âme du fils est à moi. Mana yake nafsi ya baba na ya mwana ni yangu mimi. Alléluia. Amen. Donc il faut refuser. Afadhali ukata. Il y a des gens qui sont victimes. Kuko bengine bana weka mkoswa bila sababu. Il souffre. Bekona teseka. Dans la maison. Munyumba. Pas à cause de son péché ou de sa faute. Haina kwa ajili ya kosa wala dhambi yake. Mais à cause de la mauvaise réputation qui est sur la maison. Ni kwa ajili tu akavumu mbaya kabisa iko kwa hapo kwa nyumba. Qui est venu parce qu'il y avait un oncle qui avait fait des fétiches. Kabakuru kwa mjomba moyo alifanya kama dawa. Et qui faisait de problèmes dans tout le quartier. Alileta mambo mimi tamu alikuwa naikana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Nduko na dada. Je veux dire quelque chose, il y en a qui sont témoins. Napenda kusema jambo moja na wengine wanajua maneno. L'église sous fécond. Kanisa ya chama chama la uzao. Nous devons prier, nous allons prier aussi pour la sous fécond. Leo tuombe tena kwa ajili ya kanisa yetu. Cette église a souffert. Kanisa hii iliteseka. À cause de la réputation. Kwa ajili tu ya kavumu. À un moment tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Kati fulani juliza ni nini unapitakana? On t'explique. Banakuambia mambo ya huku. Pendant plusieurs années. Kadiri ya miaka mingi. Je venais d'arriver à la source féconde. Kwa nafikia hapo tu hapa pa kanisa. Je sors, quelqu'un m'appelle. Mimi natoka mtu mmoja anikaribisha. Tu fais quoi dans cette église? Umu kanisa unafanya nini? Je lui pose la question. Mina muuliza. Est-ce que c'est vrai ce que vous me dites? Hii mambo unaniambia ni ya kweli? Ubisha pana jovile. Il faut même pas refuser, c'est exact. Là, ça peut venir même de tes proches. Inaweza kutokea hata kubantu beko karibu na wewe. Il y a même des frères et sœurs des églises qui se sont jamais repentis, qui appellent cette église la morgue. Banduku ba mukanisa aba yabana kutubu kwa ajili ya mambo alizo kufanya. Dieu seul connaît. Mungu mwenyewe ndiye anajua. Vous savez, dans la vie chrétienne il y a beaucoup de choses. Mu maisha ya Kristo mnakuya mambo kadhalika. Parfois nous disons pas. Maringine atusemake hiyo. Mais Dieu seul connaît. Yeye Mungu mwenyewe anajua. On va te coller quelque chose. Bata kuvuika na kutuika kitu moja fulani. En fait, la réputation c'est quoi? Bana kavumu ni nini? C'est quelque chose qu'on te colle. Ni kitu kile bana kutuika akio. Bana kuvuika hiyo. Et pour que ça sorte, ili kikwache kitoke, il faut l'intervention de Dieu. Paka Mungu asaidie. Juge chapitre 7 verset 11 à 15. Waamuzi 7 14 à 15. Donc nous sommes toujours dans notre thème et puis c'est dans notre texte de l'année que nous voyons ces choses. Tuko paka mukishina yetu na tuko paka. Je vais lire en français pour qu'on gagne le temps. Tasoma muluga moya juu tununue kwa wakati. Juge 7 11 à 15. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Oh, ça c'est merveilleux. J'ai aimé une bonne réputation fortifie les mains. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, ça c'est Gédéon, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. 13. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. Verset 14, son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Verset 15, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Alléluia. Amen. La réputation, c'est l'histoire qui te précède avant que tu ne sois là. C'est l'histoire qui est collée à ta vie. Vous allez voir que dans le monde des ténèbres, le monde des ténèbres s'organise pour te faire coller une autre histoire qui n'est pas ton histoire. Et cette mauvaise histoire qu'on te colle commence à détruire ta vie. Commence à t'écarter de ta destinée. Vous allez voir une femme belle. Une fille belle. Seulement sur le campus, on voit des choses comme ça. Kule ku campus, tu connais maneno ya hivi. Mais il y a une mauvaise histoire qui l'accompagne. Kuko hadithi mbaya inamshindikiza. Toi, tu ne sais même pas. Wewe hujui kitu. Je viens de Kinshasa, je ne sais même pas. Niko na Yesu Kinshasa, sijui hata kitu. Pour moi, ce sont des soeurs avec qui on prie. Wangu ni badada tukunomba nabo. Quand on a fini de prier, kisha kumaliza malombi, nous rentrons ensemble. Naruja wote pamoja. Et puis, maintenant, chacun prend son coin. Ila mmoja anaingia mjia yake. Et puis, on t'appelle Désiré vient. Tu akuta Désiré kuya. Pourquoi tu vas te promener avec les veuves? Nini kuna tembea na banamke ba hivi? Les veuves. Banamke mwenye kufuisha wa bwana. Je dis, oh. Oh. Ce sont des veuves. Mais ça fait des maris sur le campus. Et les maris les ont fui. C'est comment on les appelait veuves. Sur le campus. Campus. Mais ils sont corrects. Dada moyo, moyo ko nyolo katu. Après je lui parle. Kisha mina ongenaye. Je vois la soeur commence à pleurer. Ona dada kisha nanja kulia. Dit que c'est pas vrai. C'est la mauvaise réputation, c'est une mauvaise histoire que le monde des ténèbres colle à ta vie. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Et Proverbe 22, verset 1. Vous connaissez ces versets. Mettez quand même, on va les lire. Ecclésiaste 7, 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. C'est important. Aujourd'hui, que Dieu t'accorde une bonne réputation. Et la Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Le parfum, hein, c'est quelque chose qu'on asperge. Après, ça se dissout, ça disparaît. Oui, ça s'envole. Après deux. Il y a des parfums qui font deux jours, même une semaine. De façon, couche et taïcha. Alakine, ça va toujours s'envoler. C'est comme ça que la Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Donc, Biblia na sema kama, kafumu kazuri kana shindia, kujipakana manukato. Ça reste collé à ta vie. Manayake, inakulamata maisha yako. Et ça va accompagner beaucoup de choses. C'est aussi un verset que vous connaissez. La réputation est préférable à l'argent et à l'or, de choses comme ça. C'est ce que dit ce verset. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je fais la première déclaration. C'est ma commission, ya kwanza. Une bonne renommée. Kavumu ya mzuri fortifie les mains et la vie de quelqu'un. Ikunatiria mtu nguvu mikono na maisha ya mtu mmoja. Pour permettre de continuer à te battre dans la vie à ne pas s'arrêter. Ili kurusu ujipika pika maisha ushiache. Ça c'est la bonne réputation. Injo kavumu ya mzuri. Quand Gédéon a entendu. Wakati Gédéon alisikia hivyo. Ses mains ont été fortifiées. Mikono yake ilitiliwa tena nguvu. Oh, j'ai dit à quelqu'un. Basi nasema kuna mtu mmoja. Le temps est arrivé. Wakati na timu sasa. Dieu va transformer. Mungu atabadilisha. Toutes les mauvaises réputations. Makavumu yote mubaya. Tu auras de bonnes réputations. Utapata sasa kavumu ya mzuri. Et tu ne t'arrêteras pas dans na, ta vie. Je déclare partout les mauvaises réputations t'ont précédé que Dieu les transforme, que Dieu les change dans des bonnes réputations, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans tes entreprises, que ça soit dans l'église, wala iwe mkanisa, que ça soit partout au nom de Jésus. Alléluia. Ah. Une renommée, une réputation. Kavumu, non seulement que c'est l'histoire, haina tuni kwani hadithi. C'est aussi l'image. Na inakuwa tena ni picha. Alléluia. Amen. C'est l'image que l'extérieur perçoit de toi. Ni picha ile ya nje kunafanyika kwa ajili yako. C'est l'image sous laquelle on te vend. Ni ile picha juu ya ile beko na kuuzisha na kutoa nayo. Je suis encore en train de définir. Il y a des gens, on vend seulement une mauvaise image. Alléluia. Amen. Un bonjour, un communiqué apparaît. Si kumoja tangazo moya, il se meo. On dit non, imai mushikunyu. On dit que ne buvez pas cette eau. Kunesh. Mambo ne shiapan. On a collé une mauvaise réputation à cette eau. On ne sait pas. Bien quoi, bien bon, à tout jour. Et les gens ont commencé à éviter de boire cette eau. Non, n'achetez pas ce genre-là de poulet. Quelqu'un vient avec sa marchandise. Montre le couille, na marchandise yak. Il a souffert. Arrêtez ce que kabisa. Et puis pap, l'ennemi colle une mauvaise. Malamoya tu adoué, na mulamika kafu mumbai. Oh, je prie ce soir. Basi na omba mangaribi aleo. Même dans tes business. Nous avons brisé toute mauvaise réputation au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'ennemi aime bloquer la vie des gens. Adui anapenda kana bana kabisa maisha ya watu. OK, deuxième point. Comment le diable met sa main sur nos réputations? Sasa ni namna gani shetani eko naweka mkono yake pa makavumu yetu? Parce que je me reconnais assez de temps pour prier. Napenda tuwe na wakati ya kuweza kuomba tena. Je vais pas tout expliquer. Tafasiria biote. Après, je vais préparer un petit bouquin, je pense. On va. Kisha tatairisha yako na buku moya fulani. Ça, ça sera, on va résumer ça quelque part. Genèse chapitre 39, lisons seulement le premier verset. Mais vous pouvez lire tout le chapitre 39. Mwanzo makumi tatu na kenda, shaili yake ya kwanza. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Israélites qu'il y avait fait descendre. Est-ce que vous comprenez ça? Unashikia maneno haya? Joseph. O Yusufu. Un enfant aimé par son père. Mtoto ule alipendezwa kabisa na baba yake. Très bien habillé par ses parents. Mwe, bali mufika mzuri kabisa kwa bazazi yake. Qui reçoit les révélations de Dieu. Alikuwa anapata mafundisho ya Bwana. Mais quand on l'amène en Égypte, wakati mpeleka ku Misri, on le vend comme esclave. Bali muuzisha kama mtumwa. Quand Potiphar a pris Joseph, wakati Potiphar alimchukua Yusufu, il n'a pas pris un faiseur de songe. Akubeba ule mtu akolota mandoto hapana. Il n'a pas pris le fils de Jacob. Akubeba kama ni mwana wa Yakobo. Il a pris un esclave. Yeye alikamata ni ule mtumwa. Quelle réputation! Ni kavumu ya jeri kuyajea. Ndoko na dhana. Tu es une personne bien. Uko mtu mzuri kabisa. Avec beaucoup de valeur. Na bei mingi. Mais quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, wakati unafika nyumba ya mtu fulani, on te prend comme esclave. Bana kuchukua kama mtumwa. Quand tu arrives dans la belle famille, ukifika kwa mako yako, on te prend comme prostituée. Bana kona kama mkahaba. Quand tu arrives dans l'église, ukifika mkanisa, on te prend comme menteur. Bana kona kama mdanganyifu. Un homme bien. Mtu mzuri. Mais ce n'est pas ça lui. Haina ile jo yeye. Balisha kumuuzisha. C'était ça le prix. Injo ilikuwa ni bei. Oh bien-aimé. Basi mpendwa. Ça signifie aussi. Maana yake tena. Que le diable. Maana yake huyo shetani. Il est capable. Eko na uwezo. De payer de prix. Ya kuweza kulipia bei. Pour détruire les réputations. Ili aribishe makavumu mbalimbali. Il y a des gens. Kuko watu wengine. Aujourd'hui. Masiku ya leo. Qui sont victimes. Babu, habana na kosa. Parce que l'ennemi a payé des prix. Babu, adui sa kulipa bei. Pour détruire leur réputation. Kwa ajili haribu makavumu yao. Ce soir. Naomba tena mangaribu leo. Ni mchina na Yesu Kristo. Que tu ne sois plus esclave. Tusikuwe tena watumwa. De toutes les ruses du diable. Kwa ajili ujanja yote ya shetani. Il y a des personnes bien. Kuko watu wengine wazuri kabisa. Qui souffrent aujourd'hui. Leo wanateseka. Beaucoup de personnes. Watu wengi. Surtout les femmes. Zaidi kungambo ya wanawake. Surtout les femmes. Zaidi kwa wanawake. Ils ont leur image détruite. Picha yao besa kuyaribisha yote. Par quelqu'un un jour. Kwa mtu mmoja siku tu mmoja. Qui se lève et qui parle. Analamuka tu, anasema vya kusema. Comme il a déjà parlé. Kisha kusema kwake. Anamuzisha à moins cher d'ailleurs. Il a même vendu à un prix bas, à moins cher. Il n'a même plus le temps de faire marche arrière. Kwa na mate uriete na nyuma. OK, même s'il fait marche arrière aujourd'hui. Mais l'autre a parlé à l'autre, l'autre a parlé à l'autre. Huyu mambo anambia huyu, huyu anambia huyu, huyu anambia huyu. Et puis dit non non, ni ko tolaka. Dit non non, j'ai commis une erreur. Nimlandiaka tu. En tout cas, c'était faux. Entre-temps, vous avez détruit. Sasa usakuharibisha biote. Vous savez, il y a des familles. Kuko majama lengine. Où les filles ne sont pas épousées. Batoto banamuke ababa wake. Parce que quelqu'un, ça va monter mon moja, a vendu, alisha uzisha. Quand vous examinez de près, ok, fata mambo le karibu. Aujourd'hui, il faut prier. Leo, cheti tuombe. Je vous dis, il faut, chacun doit prier d'abord pour lui-même. Kila moja kwanza tujombe ya mwenyewe. Hata mumakazi humu. Meme obulo. Je vous dis, vous savez comment les promotions arrivent. C'est quelqu'un qui parle bien de toi à quelqu'un. Et comment on rate aussi les promotions? C'est quelqu'un qui parle à mal de toi à quelqu'un. À quelqu'un. Et puis, on doit délibérer. Dieu permet que pour l'instant je suis quand même dans la cour de délibération. Dans la cour là de délibération. On ne connaît même pas les gens, on ne les voit pas. C'est des noms et des réputations. Vous pouvez avoir les mêmes CV. Les mêmes diplômes. Mais quelqu'un, enfin, j'avais appris que ce monsieur. S'il n'y a personne qui peut dire attention, tu es mort. Ah, parle, il y a qui n'est chier, parle. Oh, c'est pourquoi nous allons prier ce soir. Chacun de nous doit prier pour sa vie personnelle. Toutes les mauvaises réputations concoctées dans le monde des ténèbres. Ce qui est déjà fait. Ou ce qui est un labo. Voilà, ce qui est encore en pleine préparation. Dans les labos. Il faut détruire ça. Tu y arrives, yot. Tu dois aussi prier pour ta famille. Il y a même des familles. Pire, il y a même des tribus. On a déjà collé une très mauvaise réputation. Une mauvaise réputation. Parce que quelqu'un a détruit. Ça va, mutu mo flani tu arisa kuharibisha. Quelqu'un détruit. Mutu flani alalibisha. Ce n'est pas tout le monde. Aina bantu bote beko vile. Oh bien aimé, c'est vrai. Pendo ni mambo ya kweli. J'ai des problèmes avec un de mes enfants. Niko na mambo na mmoja watoto yangu. Il est à l'étranger. On doit louer une maison. On demande 4 mois de garantie. Donc, il faut payer. Il faut payer seulement 2 mois. Et puis on te demande une série de documents. Pour prouver que tu peux payer. Finalement, je pose la question, mais pourquoi? On dit non. Il y avait un Congolais ici. Oh là, je me suis tenu la tête. Il y avait un Congolais. Ananda. Il est parti pour la gloire. Achiripe. Il n'avait même pas payé les loyers. Il a même abîmé les mobiliers. Au Congo. Mu Congo. Papa, nous sommes victimes de notre nationalité. Maringine, tu connais que tu n'as qu'au sein, quoi dire la nationalité yet? Je vous dis, hein? Nous devons prier pour ces choses. Tu ombe yeko maneno haya. Vous allez pas à l'étranger. On a fait comme une chose qui gagne. On dit citoyen autochtone. Benye mukini. Citoyen étranger. Na bakeni. Et puis mes citoyens américains. Kisha namu kajua Amerika. Nous sommes étrangers avec les Américains. Si votre bakeni n'est pas monté la bande avec l'Amérique. Mais pourquoi on ne les met pas dans les citoyens étrangers, nous tous là? Kwanini mulumba keni si votre bakeni n'est pas monté. La réputation du pays. Kavumu ya inchi yetu. Ma passeport ya avocat banenda nayo. Le passeport quand ça va là-bas directement, on met le visa. Mala moya bila takuwaza weka visa. Un Sud-Africain qui demande le visa des États-Unis. Montu kwa Afrika Kusini. Avant Trump. Si le passeport est de 5 ans, on a le visa de 5 ans. Kama ni 5 ans, manaweka pale banichika juu ya 5 ans. Mais un Congolais. Sasa mkongomani. On donne d'abord 6 mois. On doit vérifier si tu vas rentrer. Ba kufuate fuate kama tulita na kwenu. En fait, ce n'est pas toi le problème. Mambo haina weye. C'est la réputation. Ni kavumu. Parce que kuko la ria la bisha. Parce qu'il y a celle quelqu'un qui avait abusé. C'est pas aujourd'hui. Haina mambo tu yaleo. Peut-être qu'il y a 50 ans. Dans cette famille. Mwile Jamal. Il y a eu des problèmes. Murukuyaka mambo. Et tout d'un coup. Na mara moja tu. Une mauvaise réputation est collée à la famille. Kavumu baya inabalamata. Et vous verrez. Mutaone yakam. Kule ku famille apana kwenda. Dans cette famille là, il faut même pas y aller. Si on voit ton fils aller, dit non, fais gaffe. Tu demandes, mais pourquoi dit non? Tu y a dit, Oh bien-aimé. Banduku. Nous avons un Dieu vivant. Tukona Mungu muzima. Alléluia. Amen. Esther chapitre 3. Esther suraki ya 3. Aman. Uyu muntu Aman. Il écrit des lettres. Anandika kuma kibarua. Dans tous les pays. Katika majimbo yote. Où se trouvent les enfants d'Israël? Ule kuluku ya batoto ba Israël. On dit il faut les pendre. Barasema fazali ba muue, ba mutundike. Baba uwe. Qu'il soit pendu. À cause de Mardoché. Kwa ajili tu ya Mordekai. Donc à cause d'une personne. Kwa ajili tu ya mutu mmoja. Une mauvaise réputation contre tout. Kavumu kabaya kana kamata bantu bote. Et cette unique personne là de Mardoché. Na ule mtu ule Mordekai jina yake. N'avait même rien fait de mal. Akufanya kata kibaya kimoya. Suite à une incompréhension. Kwa ajili kutokuelewana tu kidogo. Il a voulu respecter son Dieu. Yari penda kuheshimisha Mungu wake. Il n'a pas voulu adorer Aman. Yeye kupenda kumwabudu Aman. Tout le monde l'a adoré, tout le monde s'est prosterné. Watu wote walikuwa wanamwabudu, wanainama mbele yake. Non, non. Yana sema pana. Mardoché était sentinelle. Yeye alikuwa ni nzamu Mordekai. Je suis sentinelle. Atari ko nzamu. Tu dois adorer Dieu. Nitapaswa kuabudu Mungu. Donc il y a des gens. Kuko watu wengine. Ils sont victimes parce qu'ils veulent garder le Seigneur dans leur vie. Wanapatia tu kosa bila sababu sababu wanapenda kuchunga Mungu maisha yao. Et pour les déstabiliser. Na kokoweza kubavuruka tu. L'ennemi vient coller une mauvaise réputation. Adui analeta kavumu kabaya anaweka juu yao. Il vient vendre une mauvaise image. Anakuwa kuuzisha picha mbaya ya mtu. Il y a aussi des gens. Koko watu wengine tena. Peut-être que dans le passé. Maringine mambo ya zamani. Il y a eu une erreur. Kulikuwa kakosa moyo fulani ilifanyikaka. Ça ne passe pas souvent chez les chrétiens. Dans le passé, il y a eu une erreur. L'erreur est passée. Bon, si Dieu regardait toutes les erreurs des hommes, je suis sûr qu'aussi il n'y entrerait que des bébés. Les bébés aussi, quand ils têtent. Donc, même les bébés aussi. Regardez Rahab. Mwone kwana Rahabu. Dans Josué. Kitabu ya Yoshua. Rahab. Oui, Rahabu. Est passé. Aliweza kupita. D'une mauvaise. En une seconde. Kutoka mudakika tu mmoja. Donc toute la ville, tout Jéricho. Manake muji mzima ya Jéricho. Jusqu'au roi. Paka kumasiku ya mfalme. Rahab. Oui, Rahab. Yeye ni kahaba. Mais quand il s'est accroché à Dieu. Sasa wakati aliambatana na Mungu. Paf. Mara moja mabadiliko. On l'a épousé. Bariweza kumuoa. Oh, je déclare ce soir. Nasema tena mangaribi ya leo. Cette mauvaise réputation. E kafumu mbaya. Que l'ennemi a cherché à coller à ta vie. Shetani anapenda kuweka maisha yako. Aujourd'hui. Leo leo. Ça va tomber. Oh, sherti anguke. Au jina la Yesu. Nous allons prier. Tutaomba. Nous allons briser. Tutavunja. Les mains de mauvaise réputation. E mikono yote kafumu mbaya. Les paroles de mauvaise réputation. Misemo ya kafumu mbaya. Je voulais donner deux choses, mais je suis obligé de donner une chose. Il est 18h. Et demain, on va. La maladie, bon, que ça soit à part, que demain je parle seulement de la santé. Ok, je continue et je termine avec la réputation. La femme samaritaine. Samaria. On nous a briefé sur ça le dimanche. Ya yenga. Quelle réputation. Ni kavumu ya namna gani. L'image que la Samarie, toute une ville. Ile ya Samaria ilikuwa ni muji yote mzima. Pour une personne. Kwa ajili ya mtu mmoja. On va pas lire dans Jean chapitre 4. Comme Yohana sura ya 4. Bien aimé, il y a des choses comme ça dans la vie. Mettez-moi un peu Luc chapitre 1, verset 36. On va terminer Luke par là. Sura yake ya kwanza, mstari wa kusoma wa 13 na 6. Luc chapitre 1, verset 36. Luc 1, 36. Mettez un peu. Commencez à partir du verset 35. 35. Ok. L'ange lui dit. L'ange dit à Marie. Oui, malaika na mwambia Miriam. C'est l'ange. Oui, ni malaika na sema. Une créature céleste. Kiumbe kia kumbingu. Gabriel. Gabriel. Très puissant. Et qu'on a ouesso mingi. Depuis l'Ancien Testament, quand vous lisez le livre de Daniel, dans le Nouveau Testament, vous le voyez chez Marie. Vous le voyez aussi chez Zacharie. Chez Marie, l'ange était très tendre. Chez Zacharie, il a dit à Zacharie, je me tiens devant le trône de l'Éternel et j'annonce ces choses. Et toi, tu doutes, alors tu ne vas pas parler. Sasa, ça, c'est que la fonte. Kumbi, hauta sema tena. Et tout d'un coup, qui est Zacharie qui n'a fait moja, sa bouche l'ange ferme. Dit, malaika na mwambia, le Saint-Esprit viendra sur toi. Roho Mtakatifu atakuwa juu yako. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Na uweso ya Bwana itakufunika. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Verset 36. Voici. Tazama. Élisabeth, ta parente, Élisabeth, ndugu yako, a conçu. Naye alichukua mimba. Suivez maintenant la suite. Fuate ya fataye. Elle aussi, naye pia, un fils en sa vieillesse. Aipata mtoto kubwa yake. La dernière phrase, c'est celle qui m'intéresse. Et ya mwisho ndio inatufurahisha zaidi. Et celle qui était appelée stérile. Na ule bali itaka kama mtasa. Elle était appelée stérile. Alikuwa na mwitaka mtasa. L'image d'Elisabeth. Picha ya Elisabeth. La réputation d'Elisabeth. Kavumu ya Elisabeth. C'était une femme stérile. Kwa namuita mwanamuke mutasa. Elle était appelée stérile. Kwa namuita mutasa. Donc partout Elisabeth passait. Pahali pote kwa napita. On disait la stérile est là. Mwanamuke sio kuzala. Parfois tu passes à certains endroits. Kwa napita mafasi ingine fulani. Il y a une mauvaise réputation qui t'est collée. Kavumu kabaika iko juu yako. Oh, ce soir. Basi mangaribi ya leo. Unapenda kuvunja. Toutes ces mauvaises réputations. Akavumu yote ile mbaya. On appelait Elisabeth. Alikuwa anamuita Elisabeth. Ce n'est pas un homme qui donne ces détails à Marie. Aina ule mwanamke mtu anampatia yeye Miriam mama. C'est l'ange qui donne les détails à Marie. Ni malaika yule anamwambia ile misemo yote. Ni Marie. Anasema Miriam. Ta parent. Ule ndugu yako. Elisabeth. Elisabeth. Elle était appelée. Alianza kumuita. Quand la dès que la phrase est dite. Wakati misemo inasemwa vile. Français, moi, je m'en sens seulement. On l'appelait stérile par les gens. Alors, comme on dit, comme on l'appelait par, ce n'est pas français. Alors, c'est comme ça qu'on on réécrit ça. On dit, elle était appelée stérile. Donc, sa réputation était répandue. Il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent. Parce que leur image personnelle de leur vie est détruite. Il y a des familles aujourd'hui qui souffrent parce que l'image de la famille est détruite. Il y a des églises comme c'était le cas de la souffrance qui souffrent, qui ont souffert à cause de mauvaises images. Il y a des gens qu'on ne sait même pas les approcher. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Miambie ni ukweli tu. Quelqu'un arrive dans la maison. Mtu anaingia kunyumba. Maman makuta mnafutika. Ça vous jamais, vous n'avez jamais. Directement là-bas vous cassez votre argent. Quand lui entre, il vient chez vous. Mufutike makuta. Cachez toutes choses, surtout en matière d'argent. Et kumiba. Il n'a pas encore fait quelque chose de mal. Il n'a pas encore volé. Ashiamiba. Il n'a rien pris chez vous. Mais mnafutika makuta. Au préalable, d'abord, vous cachez quelque chose. Bon, vous n'avez jamais eu des frères, des cousins, des cousines, des nièces comme ça. Ah, mais à Pataka Banduku, bah, il y a un modèle. Hein? Demandez-nous, nous, on a vécu. Vous tous les chutes, tu riches n'avez pas mordu. Comment c'est ma. Vous l'avez fait. On dit que tel vient, arrive déjà. On prend d'abord l'argent qui était sur la table, on cache. Chacun met l'argent au bon. Il y a un mordu, Makuta Yake. Foutika. Il y a une mauvaise réputation. Kavumu Kabaya, qui s'en est en train de le mordu. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Na injo kazi ya shetani. C'est l'œuvre du diable. Kika ni kazi ya shetani. C'est l'œuvre du diable. Kazi ya shetani. C'est parmi les choses que nous devons briser. Katikati ya vitu vile tutaweza kuvunja. Briser dans nos vies. Kuvunja mu maisha yetu. Briser dans nos maisons. Kuvunja machumba yetu. Bien-aimé, prie pour tes enfants. Pendo ombea kwa batoto. Nos enfants rencontrent leurs amis à l'école. Toto yetu bwana patana benjabo ku mashule. Bahali pote. Ils vont au restaurant. Anaenda kula pamoja. Et voilà. Ils peuvent se promener avec quelqu'un d'une mauvaise réputation. Anaweza kutembea na mwingine iko na kavumu kabaya. Et cette mauvaise réputation l'école. Kale kavumu kabaya na yeka na mubamba. Et fait rater la destinée. Na kana mpusisha kifikio yake ya kesho. Nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 18. Tusome Ézéchiel 18 verset 5 et 6. Tari wa 5 hadi wa 6. Les parents ont fait certaines choses. Bazazi balifanya mambo moya fulani. Mais les enfants subissent une mauvaise. Batoto njo banapata matokeo mabaya. Aba batoto. Ces enfants. C'est 18 5 pas 15. Donc pas 18 5. J'ai rencontré quelqu'un. Nilikutana na mtu mmoja. Je pose la question, pourquoi est-ce qu'il vit? Non, Olisa, pourquoi est-il comme ça? Pasteur. Oh, pasteur. Est-ce qu'un enfant d'un devin peut-il faire de bonnes choses? Un enfant d'un devin. Mais est-ce que ça appartient? Non, il a dit non. Quelqu'un qui vit dans la maison d'un devin. C'est des problèmes. Ni mambo. Oh, bien-aimé. Upendwa. Nous devons prier pour ça. Cher tombe. Alors, nous avons quatre sujets de prière. Tu vas prier pour ton image personnelle et ta vie pour briser toute mauvaise renommée. Mes sœurs, priez sérieusement. Muombe kweli kweli. Parents, priez pour vos enfants. Wazazi, muombe weni batoto. Prions pour nous-mêmes. Tujiombe tena wenyewe. Je vous donne l'exemple des Congolais. Naleta mfano ya mkongomani. Dans les entreprises étrangères. Katika makampuni mbalimbali ya nchi kigeni. On a du mal à responsabiliser les Congolais. Ni kigumu kabisa kumupatia kumkongomani madaraka. On a du mal. Ikigumu kabisa. Eh, on a dit diplôme, oui, mais. Asema ndio kuna cheti, ndio, lakini. Diplôme, oui, mais. Ah, lakini. Diplôme, oui, mais. Cheti konayo ya serikali, ah, lakini. Un jour, j'ai dû dire à un blanc, j'ai dit, mais non. Siku moya ni mwambia mzungu mwa kusema hivi, hapana. Il est ingénieur. Yeye ni ingénieur. Il a le même diplôme. Non. Eh, kuna cheti pamoja na wengine, asema hapana. Hapana. Époque, les études étaient encore. Wale wakati yenu majifunzi kwa kwa yambo. Mais aujourd'hui. Lakini basiku za leo. Mais un gars intelligent. Kiana wa akili tu. Même maintenant, même quand il y a les désordres. Hata leo kukuya mfujo wala mvuruko. Celui qui est intelligent, est intelligent. Wale kuna akili, yuko paka na akili. N'est-ce pas? Aina vile. Celui qui a quelque chose dans la tête, il a dans la tête. Wale una kitu mkichwa, yuko na akili. Mais il est seulement victime. Manake pale bana mvuika tu kosa. Non, si c'est comme ça, on le prend. Bon, tu m'obéis, Beko. Pas avec le grade d'ingénieur. Apana, naïle, tchao, yaki, ingénieur, apana. Discussion, ok, prenez-les même comme ça. Kubishana, bon, tu m'obéis, bata, ville. C'est longtemps après, je pose la question, comment il travaille? Kisha, machiko, on a tout mis à dire. Il dit non, non. He's one of the best. Il est parmi les meilleurs. Eko, parmi, bantu, bantu, bantu, bantu, bantu, bantu. Et voilà. On réalise que. Mais il a subi la mauvaise réputation. Adi, et il a commencé par arianja bon, chini et qu'il monte yako napanda pole pole kasala ne tienne mais il faut prier mambo lakini sherti kuomba ça on priera après il tayomba badai ça c'est la localisation comment bon te bitende apaka patrouille yako jadi pourquoi à tout le monde ça ira mais sauf à montura moi j'espère que vendredi on aura le temps de prier pour ça taona ile siku ya kazi tano il faut aussi prier pour nos familles na kuombea tena majamala yetu nos familles ma jamala yetu qui sont victimes de mauvaise réputation na yo tena pesa kuivuika makafumu mbaya nous allons aussi prier pour notre église. Tombea tena kwa ajili ya kanisa yetu. Mafaya ya gens qui ne viennent pas. Kuko bengine hapa kuyake. Parce que non mwe mkanisa. Baba dans votre église là. Ba mama. Ya certaines mama. Ba baba. Ya certains papa aussi. Ba toto. Même les enfants. Etc, etc, etc. Mambo to ya mlefu. Parfois ce n'est même pas vrai. Maringine mambo unasema haina taya kweli. Et même si c'est vrai. Hata kama ni mambo ya kweli. Oh bien aimé. En tout cas, moi je suis convaincu. Quand nous faisons les campagnes d'évangélisation, quand on dit qui veut donner sa vie au Seigneur, je suis convaincu qu'un voleur qui donne sa vie au Seigneur sincèrement peut changer au même instant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons des évangélistes. C'est pourquoi nous allons vers le monde. Parce que nous croyons. On n'a pas lu, mais Paul, l'apôtre Paul. Le ministère a eu des problèmes. À un moment, il a même abandonné. En fait, Paul a abandonné avant. Il dit, j'abandonne tout. C'est Barnabas qui est parti le récupérer pour dire, Paul, courage. Ni Barnabas qui a commencé à se faire. Dieu t'a appelé. Pourquoi? Les gens ne pouvaient pas accepter. Même Ananias a dit à Dieu. Dieu, toi tu ne sais pas. Ce monsieur ici quand il vient ici. C'est pour nous attraper. Paul Saul, à l'époque, c'est un instrument que Dieu a choisi. Il y a des instruments que Dieu a choisi. Mais aujourd'hui, qui ne savent pas exercer le ministère à cause de mauvaises réputations. Nous nous tenons debout. Nous avons dit que c'est la prière. Lève ta main là où tu es. La chorale, monsieur, mesdames. Nous voulons travailler maintenant. Lève ta main là où tu es. Nous avons quatre sujets de prière. Avant de passer à la table. Là, nous avons vu tous comment ça se passe. Lève ta main. Lève ta main. Dis Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Minangusha. Pa maisha yangu. Ma reputation yote ya mubaya. Masemo yote ya mubaya. Ma image yote ya mubaya. Ile kuna sindikiza maisha yangu. Ile shetani anaweka pa maisha yangu. Ile bantu banaweka pa maisha yangu. Mangaribi ya leo. Minangusha. Ma reputation yote ya mubaya. Ma histoire ya mubaya. Ma image mubaya. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Alléluia. Oui, prie maintenant. Alléluia. Détruis maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Je prie ce soir. Toutes les mauvaises histoires. Au nom de Jésus. Je prie cela. Je prie. Au nom de Jésus. Toutes les mauvaises images. Toutes les mauvaises histoires. Au nom de Jésus. Prie pour toi-même. Prie pour ta personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, prie. Que Dieu te bénisse abondamment ce soir. Nous allons encore monter en prière. Alléluia. Nous allons encore monter en prière. Parle avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai détruit. j'ai détruit toutes les mauvaises réputations, toutes les mauvaises réputations sur ma famille, sur ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à détruire sur ta famille, sur ta famille, sur ta famille, sur ta famille, sur ta maison, sur ta maison, sur ta maison, sur ta Jésus. Détruis sur ton mari, détruis sur ta femme, détruis sur tes enfants, au nom de Jésus. J'ai détruit toutes les mauvaises réputations, les mauvaises images sur ma famille, sur ma mère, sur mes soeurs, sur mes enfants, sur ma femme, sur moi-même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour des enfants, prie pour ta famille, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Wana Mungu akubariki sana. Mina penda kufungula parenthèse pour que les parents tombent batoto. J'aimerais encore ouvrir une parenthèse pour que les parents puissent prier pour les enfants. Et que chaque parent puisse refuser toutes les mauvaises choses en venant d'en haut. Je parlais d'Ézéchiel chapitre 18. Mettez Ézéchiel 18. 18 à partir du premier verset. Donc ça il y a kwanza. Ézéchiel 18 à partir du premier verset rapidement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais ça c'est injuste. Les pères ont mangé. Baba banjo balikula. Mais malara et baba mbebo na bamba bati. N'ont pas été atteints, mais ça a atteint les enfants. Non, ukatale. Refusons. Tu sais que dans ta vie, il y a une mauvaise réputation. Et toi aussi, tu ne puisses pas léguer ça aux enfants. Verset suivant, 3. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Verset 4. L'âme du Père, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pèse, c'est celle qui. Ok, j'aimerais que nous puissions prier maintenant. Dans ma vie. Toutes les mauvaises histoires de la famille qui ont collé sur ma vie. Je refuse toutes les mauvaises histoires qui sont collées dans ma vie que moi je n'ai pas vu. Ils sont venus de ma famille, de ma tribu, de mes pères. Je prie aussi qu'aucune mauvaise réputation ne touche mes enfants. Au nom de Jésus. Alors élève ta voix, commence à prier. Prie pour tes enfants, prie pour toi-même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y a aucune mauvaise histoire qui va toucher mes enfants. Jamais! Jamais! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Ce qui colle à ma vie, qui vient de la tribu, qui vient de mes pères, ce soir, je dis jamais! Nous allons prier pour l'église sous féconde. Mais nous allons détruire toutes les mauvaises histoires collées à cette église par le monde des ténèbres. Nous voulons les détruire au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Nous détruisons sur cette église toutes les mauvaises histoires que l'ennemi a collées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour ça que les causes, ceux qui causent cette histoire, sont renversés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. mais nous pouvons nous asseoir. Parce que le quatrième sujet, nous allons le faire avec la table. Je prie pour la table. Avant que je ne prie pour la table, voici la façon de Dieu de changer la réputation. La Bible dit, sa renommée augmentée par l'accomplissement de ses hauts faits. Pour que Dieu change ta réputation, Dieu n'a pas d'autre choix que de faire des prodiges dans ta vie qui vont te justifier. Il n'y a que les prodiges de Dieu. Tout ce qu'on a dit ici, Joseph esclave, il est devenu premier ministre. Elisabeth stérile. Elisabeth a eu un enfant. Mais qu'est-ce qu'on peut encore dire? Rahab est devenue grand-mère de Jésus-Christ. Mais la seule façon pour Dieu de changer la réputation, c'est pourquoi je suis convaincu qu'après cette semaine, pas qu'on peut te maudire, Zaya. Oh, tu auras ton miracle. Même dans ta belle famille, il faut que vous fassiez quelque chose qui n'a pas surtout ça. Faut que Dieu fasse quelque chose qui va les surprendre. Il veut même te saluer. Ils te disent même, tu es notre fille. Il te pourchassait de chasser chaque fois parce qu'on disait que tu étais voleur de l'argent. On te donne maintenant l'argent. Gardez, c'est toi qui vas commencer à donner à tout un chacun. Donc, avec la table, petit mezaï. Quand tu manges la table, quand tu mets à mezaï. Voici la prière. On a maombi. Maintenant, la sasa ivi accomplit un prodige. Qui va changer ma réputation. Qui va te justifier. Qui va te laver. C'est ce que Dieu a fait avec Mardoché. Le roi a posé la question à Aman. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'homme envers qui le roi veut faire du bien? On va le promener sur un cheval. On va lui mettre les habits royaux. On va crier devant lui. Le roi le regarde. Il dit, où est mon bébé, où les sentinelles? Va prendre cette sentinelle. Où les âmes? Va prendre cette sentinelle. La sentinelle vient le matin. Allez le prendre. Mettez-le au-dessus de la cheval. Habillez-lui les habits royaux. Toi-même, tu vas procéder. Tu vas commencer à crier. Dieu a vu le Baneshimishaka. Bien-aimé, cette semaine est différente de toutes les autres semaines. Nous allons manger la table. Tout à coup, la mesa. Dès que tu as pris la table, commence même à prier. Parce que le roi veut t'honorer. Le roi veut t'honorer. J'aime le psaume de Moïse. C'est le psaume 90. Réjouis-nous autant d'années que nous avons été dans le malheur. Autant d'années qu'on t'a humilié. Mon réputation. Mungu, comment 15 ans. Je ne sais pas. Il a 15 ans. Réputation, Dieu va donner une bonne réputation qui dépasse. C'est ça notre prière après cette table. Seigneur, je bénis la table. Nous avons dit que cette table pour nous c'est une arme. Nous prions avec la table. Parce que le corps et le sang de Jésus-Christ est dans le monde des ténèbres. Les causes qui ont mené la mauvaise réputation vont tomber. Et cette main noire qui est sur nos réputations sera brisée par le sang de Jésus. Tu as dit à Moïse, quand vous mettrez le sang, Pharaon vous laissera partir. Il va lâcher ce soir avec la table que le diable lâche nos réputations au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous mangeons la table, nous sommes en prière. La chorale nous accompagne. On peut nous aider à enlever. Vous connaissez maintenant le principe. On enlève les nappes. Chacun prend la table, on ne distribue pas la table, chacun passe la table. Tu pries. Tout le monde prend la table. Venez, prenons la table, c'est un temps de prière. Et nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Dieu va nous faire grâce. Changer, c'est de faire des prodiges dans ma vie. Oh, ce soir, accomplis des prodiges. Accomplis des prodiges. Joseph, tu l'as fait avec Jésus, tu l'as fait avec cette femme, tu l'as fait avec Rahab, tu l'as fait avec la Samaritaine. Accomplis, Seigneur, accomplis ce soir, accomplis les offres, tu l'as fait avec Marthe aussi. Accomplis, Jésus, accomplis des prodiges, accomplis des miracles, accomplis, Seigneur, accomplis, Jésus, accomplis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, accomplis tes offres, accomplis, au nom de Jésus, accomplis, accompli. Frère, prie. Que Dieu fasse tes prodiges. Que Dieu fasse tes prodiges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père accompli. Accompli. Accompli. Accompli. T'es offert. Accompli. T'es offert. Oh, papa. Oh, Dieu. Prie le Seigneur bien-aimé. Au nom de Jésus. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, accomplis. Accomplis, Théo. Accomplis. Au nom de Jésus. Oui. Je veux changer ce soir. Bien-aimé, prie le Seigneur. Il veut changer ta réputation. Il veut changer la réputation de ta famille. Il veut changer la réputation dans ta vie. Il veut changer la réputation de tes enfants. Prie, bien-aimé. Aujourd'hui, ça va changer. Aujourd'hui, ça va changer. Oh, alléluia. Alléluia. Il est présent ce soir. Il est présent ce soir. Il est présent ce soir. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu vas changer. Merci, Seigneur. Parce que tu as brisé. Tu as brisé les mauvaises réputations. Ce soir, tu as brisé. Tu as brisé. Il a brisé. Il a brisé. Il a brisé. Brise. Tu es en train de briser ce soir. Il est en train de briser les mauvaises réputations. Continue à prier, bien-aimé, pour toi-même. Continue à prier pour ta famille. Dieu va accomplir des miracles. Il va accomplir des projets. Des prodiges. Qui vont te justifier. Aujourd'hui, c'est la justification de Dieu. Dieu va te justifier. Devant les hommes. Il va te justifier. Dans ta famille. Il va te justifier. Au milieu de tes enfants. Dieu va te justifier. Il va justifier votre famille. Il va justifier l'église. Au nom de Jésus, je déclare que les mauvaises réputations collées à ta vie, les mauvaises histoires qui t'ont accompagné jusque-là, aujourd'hui, elles sont nulles et nulles et faites. Tu as justifié Rahab. Dieu a justifié Rahab. Dieu va te justifier. Dieu a justifié Élisabeth. Dieu va te justifier. Aujourd'hui, toutes les mauvaises réputations, toutes les mauvaises histoires sont en train de tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour tes enfants. Prie pour ta famille. Au nom de Jésus. Oh, merci. Merci. Oh, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Il y a des gens que Dieu va justifier, bien-aimés. Pas qu'à Mungu a fait qu'il est qui t'a justifié. Que Dieu fasse quelque chose qui va te justifier. Et on oubliera à partir d'aujourd'hui toutes les mauvaises images qui étaient collées à ta vie. Quand Joseph est devenu roi, quand Joseph a été élevé, même Potiphar a oublié qu'il avait acheté un esclave. Aujourd'hui, on oubliera. Parce que Dieu a décidé cette semaine de faire des choses. Faire des choses. Nous voulons terminer en faisant le vœu. Comme j'ai dit, ce n'est pas l'offrande. C'est le vœu. quand je parle de vœux, il y a un sacrifice et il y a des paroles. Il y a des paroles. Tous ceux qui ont fait des vœux avec Dieu, Dieu a honoré leurs vœux et Dieu a fait de grandes choses. Toi aussi, cette semaine, chaque jour, prépare un vœu. Prends dans ta main. Dans ta main. Et dans un cours cantique d'adoration, nous sommes en train, tu parles d'abord avant de venir déposer dans le panier. Parce que le vœu doit accomplir ce pourquoi tu le fais. Aujourd'hui, quel sera ton vœu? Tu nommes ma réputation. Nous allons prier pour nos réputations. Que tu dises à Dieu, mon vœu de ce soir, pour ce qui concerne la vie de mes enfants, histoire précéder. Et la bonne histoire commence à les précéder. Sur ma vie, fasciote. Partout où là on a écrit mauvaise histoire comme Aman a écrit pour Mardoché, que la bonne histoire puisse le précéder. Et comme j'ai dit, ce vœu, vous le mettez dans mon bureau. Je continue à prier pour ça. Nous fermons nos yeux. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Parle à ton offrande, parle à ton sacrifice. C'est ma la sadakaya. Alléluia. Tu peux maintenant déposer dans le panier, tu continues à prier pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Aujourd'hui, on a vu le deuxième domaine. Demain, on parle essentiellement de la maladie, la santé. Le diable s'arrange pour mettre la main sur la santé de plusieurs. La maladie amène quatre choses. La mort, la pauvreté, occasionnée par des dépenses, la faiblesse, on est plus efficace, et le doute de soi. Nous en parlerons demain. Et demain, je me l'ai compris. Il y a des drôles de maladies chroniques. Le sucre. J'ai commencé spécialement par cette maladie parce que ça me dérange. Quand tu acceptes certaines maladies, le diable veut que ça te colle. Je me l'ai demain compris. Il y a un mois, je crois que je suis parti faire un check. Tout est bon. C'est le même médecin. Et puis là, les résultats, il me dit, c'est pas possible. Tu es diabétique. Je suis sorti même moi-même. Dans ta famille, il dit, mais tout ce que je reçois ici maintenant, là, c'est ça seulement le problème. Non. Moi, je ne suis pas convaincu. On reprend cet examen. Je rentre le soir, je dis, Seigneur, ça. Non. Je dis, Seigneur, ça non. Dans ma famille, il n'y a personne. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je suis parti de chez moi, même si en Afrique, bien. Non. J'ai pris toute la nuit, on m'a dit, parce qu'on m'a dit, tu arrêtes de manger à 22h. Tu viens le lendemain à jeûne. Je rentre le lendemain à l'hôpital. On me fait les premiers examens. On prend le sang. Il prenait tellement le sang, j'ai dit aux gens, dit, attendez d'abord. Comment vous allez prendre 20 tubes là? Je risque de rentrer sans. Voilà. Chez moi, vous avez trop pris. Non, le médecin a tout demandé. Mais tu ne pars pas, tu restes là. Ils ont pris. Il dit, on revient après une heure. Une heure, ils reviennent. Pour la première fois, je n'avais jamais. On me donne un grand gobelet comme ça. Un jus ou l'eau avec plein de sucre. Termine tout de boire. 2 litres. Sucre, pas sucre. C'était tellement sucré. On me dit, tu te reposes. Seulement ici. 2 heures après. Il revient encore. On prend mon. Heureusement que j'ai encore du sang. On prend encore le sang. On va faire les examens. Même le médecin s'étonne. Il dit, mais pourquoi je m'étonnais hier? Ce n'est que 90. Tu es très bien. Alors je me suis dit, non, une fois, j'ai dit au médecin, j'ai dit non. Quand vous m'avez dit hier, là, j'ai compris que ça, c'était le diable. Il voulait que j'accepte. Et puis c'est fini. Là, je refuse. Frères et sœurs, demain. Il y a certaines maladies que nous allons refuser. Alléluia. Amen. Donc j'ai voulu que mercredi on prie rien que pour les maladies. Mais là, comme j'ai 10 points, à partir de jeudi on va commencer à mettre 2-3 ensemble. Mais demain, rien que la santé. Et nous voulons demain prier pour ça. Nous nous préparons en prière. Père, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Nous nous recommandons entre tes mains. Bénis ton peuple. Merci pour tous les prodiges que tu réalises. Merci pour les hôtels qui sont tombés. Merci Seigneur pour les mauvaises réputations qui sont tombées. Parce que tu vas accomplir de grandes choses. Sois béni, sois glorifié. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.